Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Lindbergh, un aigle solitaire, traverse l'Atlantique. Le 20 mai 1927, à bord d'un petit avion à hélice, baptisé le Spirit of Saint-Louis, l'Américain Charles Lindbergh décolle de New York. 3 heures de vol et 6000 kilomètres plus tard, après avoir lutté contre le froid, la fatigue et le sommeil, et après avoir résisté à la tempête et au brouillard, Lindbergh atterrit à Paris. Le jeune pilote le sait, il vient de réaliser un exploit. Il a relié les deux villes et les deux continents dans un trajet direct, sans escale ni assistance. Autrement dit, il a traversé l'océan Atlantique d'une seule traite. Célébré et acclamé partout dans le monde, Lindbergh incarne alors le premier héros du XXe siècle. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, son nom fait toujours rêver autant qu'il fascine les passionnés d'aviation. Notre invité aujourd'hui, l'historien spécialiste de l'aéronautique Michel Benichoux. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Charles Lindbergh, l'oiseau volage » paru en 2005 aux éditions La Rivière. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barreur, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Maintenant que 40 heures se sont écoulées depuis leur départ de Paris, il devient malheureusement de plus en plus certain qu'une tragédie s'est déroulée quelque part au-dessus de l'Atlantique. Les experts pensent que la glace qui s'est formée sur les plans dans la région froide et humide de Terre-Neuve a pu alourdir l'avion de Nungesser et Colly et entraîner sa chute. Cependant, sur l'aérodrome de New York, Chamberlain d'une part, le commandant Byrd d'autre part, compte décoller en direction de Paris par cette mystérieuse route aérienne qui a déjà coûté la vie de tant de pilotes. Une dépêche de San Diego, en Californie, nous apprend qu'un pilote d'une ligne postale, Charles Lindbergh, se dirige sur New York pour prendre part à cette gigantesque compétition transatlantique. Vendredi 20 mai 1927, terrain d'aviation Roosevelt Field, banlieue New York, pluie fine, vent froid. Il est 4h du matin lorsqu'un imposant véhicule se présente devant les grilles d'aérodrome. À première vue, tout est en règle, l'agent de sécurité ouvre la barrière. Le long camion de transport bâché pénètre alors sur le terrain en herbe. Quelques instants plus tard, il s'arrête devant un hangar. Plusieurs mécaniciens en combinaison sortent et s'approchent. Dans un balai organisé, ils vont et viennent, défont une à une les sangles, puis dénouent les cordes sur le plateau arrière. Enfin, il tire sur la grand-bâche. Et là, à la lueur des phares des voitures, stationnées non loin, apparaît la silhouette argentée d'un avion. Sur son nez de métal, inscrit à la peinture noire, on peut lire son nom, Spirit of Saint Louis. Au même moment, dans un bureau situé à proximité du hangar, deux hommes étudient des cartes et des relevés météo. Cette nuit, le plafond nuageux est très bas sur toute la côte est des États-Unis. Une bruine dense recouvre New York et sa région. Les prévisions laissent entrevoir une possible amélioration, oui, mais rien n'est moins sûr. C'est alors qu'un troisième individu entre dans la pièce. Celui-là est jeune, grand. Le front barré d'une épaisse mèche blonde, il dépose son imper trempé sur une chaise et lance d'une voix fébrile aux deux autres. Alors, messieurs, quelles sont les nouvelles ? Pas bien fameuses, je le crains. D'après les stations plus à l'est, le ciel se découvre petit à petit sur Terre-Neuve. Une zone de haute pression s'établit sur tout le nord de l'Atlantique. En Europe, il y a quelques poches de nuages localisées. Et ici, sur la côte, les choses se gâtent. Vous pensez toujours partir à l'aube ? Oui. Qu'importe un plafond bas à New York, pourvu qu'il y ait assez de place pour me glisser au-dessous des nuages. Après, si je ne parviens pas à passer, je ferai demi-tour. Mais je dois essayer. Je n'ai pas le choix. En cette nuit du 20 mai 1927, l'aviateur Charles Lindbergh vient de sceller son destin. lui qui, il y a quelques semaines encore, était un parfait inconnu, se retrouve affublé dans la presse américaine du surnom de « fou volant ». Il est vrai qu'à tout juste 25 ans, le jeune homme s'engage dans un voyage vers l'inconnu, une aventure pleine de dangers et d'imprévus. 10 jours plus tôt, en effet, un avion français avec aux commandes 2 pilotes chevronnés, Charles Dingesser et François Colli, a disparu au-dessus de l'océan Atlantique. Et depuis, aucune nouvelle. Et à mesure que les jours passent, l'espoir de les retrouver vivants s'amenuise. Mais il en faut plus pour effrayer un garçon comme Charles Lindbergh. Petit-fils d'immigrants suédois installés aux États-Unis, le jeune homme a grandi dans la campagne et dans les bois du Minnesota. Enfant taciturne et réservé, il démontre très tôt une passion dévorante pour la mécanique et, en particulier, pour l'aéronautique, discipline naissante à l'époque. Cascadeur aérien, puis parachutiste, Charles Lindbergh obtient son brevet de pilote en 1922. Il intègre ensuite le service des postes des États-Unis comme convoyeur du ciel. Homme de défi, il se lance alors dans une course aux exploits en solitaire, en parallèle de sa carrière. L'un d'eux lui fait traverser les États-Unis d'ouest en est, un épisode qui prouve qu'en plus de ses talents pour ses manœuvres au ras du sol, il est aussi un excellent navigateur capable de voler sans visibilité. En ce mois de mai 1927, l'ambition de Lindbergh est cette fois de traverser l'Atlantique. Un pari fou pour l'époque, tant les moyens techniques à sa disposition sont rudimentaires. Pour motiver les candidats au défi, Raymond Arteig, propriétaire de plusieurs hôtels de luxe, a annoncé dans la presse quelques années plus tôt qu'il récompenserait le premier qui réaliserait un tel exploit. Moi, Raymond Arteig, millionnaire et gérant hôtelier, j'offre la somme de $25,000 à quiconque réussira le premier à relier le continent américain à l'Europe en avion, sans escale et sans assistance. Que le meilleur d'entre vous gagne et nous permette de célébrer l'amitié réciproque qui lie les peuples des deux côtés de l'Atlantique. Aussitôt dit, aussitôt fait, partout en Europe et aux États-Unis, les pilotes, des plus fous aux plus aguerris, se lancent dans cette course contre la montre pour être le premier, oui, le premier à voler vers la gloire et surtout vers des montagnes de dollars. On recense ainsi un grand nombre de pilotes morts ou disparus en ayant tenté leur chance au-dessus de l'Atlantique. Mais dans le cas de Lindbergh, la motivation n'est pas l'argent, non. Le jeune aviateur veut juste être le premier à inscrire son nom au palmarès. Et c'est bien pour atteindre un tel objectif qu'il a fait construire un appareil à sa mesure. Cet avion, c'est donc le Spirit of Saint Louis. Vendredi 20 mai 1927, il est un peu plus de 6h du matin. Devant les hangars du terrain d'aviation de Roosevelt, les ampoules des flashs des photographes s'allument à mesure que Charles Lindbergh pose à côté de son avion, gris étincelant. Tout autour d'eux, des dizaines de curieux et autres passionnés se pressent pour assister aux derniers préparatifs du pilote avant son départ. Vu de côté, le Spirit of Saint Louis impressionne par ses lignes épurées, mais aussi par son aspect très massif. Long de 8 mètres et d'une envergure de 14, l'avion est un monoplan qui embarque un moteur de 230 chevaux. Signe particulier, il peut tourner 40 heures d'affilée. Son nom constitue un hommage à la ville de Saint-Louis dans le Missouri, d'où sont originaires les riches mécènes qui financent cette aventure. Enfin, pour compléter le portrait, sur la dérive à l'arrière sont inscrites les 3 lettres NYP pour New York, Paris. À bord, le cockpit est très étroit et empêche le pilote de voir devant. Celui-ci est assis derrière l'imposant réservoir de carburant. Seules des fenêtres latérales et un tout petit périscope installé à la hâte permettront à Lindbergh de voir sa position par rapport à la piste, lors du décollage et lors de l'atterrissage. Si cette configuration peut surprendre à première vue, elle répond en fait à un but bien précis, réduire la traînée aérodynamique de l'avion afin de lui faire économiser de l'essence. Mais ce n'est pas tout. Pour diminuer le poids de l'appareil à son maximum, Lindbergh a consenti à bien des sacrifices, comme en témoigne l'équipement qu'il embarque avec lui. Je vais maintenant passer en revue ce que vous allez emmener à bord. Bien. Avez-vous vos deux bidons remplis d'eau douce, vos deux sandwichs et vos quatre barres de chocolat? Oui. Vos cartes? Oui. Votre couteau? Oui. Votre coussin de siège? Oui. Une lampe torche? Oui. À mon avis, vous devriez prendre un parachute, monsieur Lindbergh. Non, ça ferait trop de poids. 10 kilos environ. L'équivalent de 12 litres d'essence. Pour ce qui est de l'essence, votre réservoir est plein jusqu'au bouchon. Très bien. Alors faites préparer mon avion. L'horloge du hangar affiche 7h39, lorsqu'un mécanicien commence à faire tournoyer à la main l'hélice du Spirit of Saint-Louis. À mesure qu'il prend la vitesse, le moteur de l'avion se réveille et se met à gronder. Alors, une épaisse fumée sombre se dégage des échappements en métal. Assis aux commandes, Charles Lindbergh inspecte ses instruments de bord. Et là, il constate un problème sur le cadran moteur. Celui-ci n'atteint pas son plein régime. Que faire? Tout arrêter? Descendre? Démonter? Le temps que ses mécaniciens trouvent l'origine de la panne, il aura perdu une journée, peut-être deux. Or, Lindbergh sait qu'à quelques encablures de là, Clarence Chamberlain, recordman du monde du vol le plus long, et Clarence Levin, son commanditaire, s'apprêtent eux aussi à partir. Et dans quelques jours, à bord de leur avion, pour tenter de leur chance, eux aussi, face à l'Atlantique. Alors tant pis, il est trop tard pour réparer, il faudra faire avec, hurle Lindbergh. L'aviateur donne l'ordre à l'un de ses mécaniciens de dégager les cales en bois devant les pneus. Puis, péniblement, le Spirit of Saint-Louis et ses 2,5 tonnes avancent sur le terrain détrempé et boueux. Au loin, le soleil se lève sur New York, l'horizon reste menaçant. Tout autour de lui, Lindbergh aperçoit les visages anxieux et silencieux de la foule qu'il observe. À cet instant précis, je prends pleinement conscience de ma situation. En m'installant dans cet avion, je viens d'entrer dans une cellule de condamnés à mort. Si j'arrive jusqu'à Paris, c'est qu'on m'aura gracié. Quelques minutes plus tard, Lindbergh aligne son avion face à l'extrémité ouest de la piste en herbe. Après un geste de la main, il pousse la manette des gaz, l'appareil se met à vibrer de part en part, puis bouge, avance, accélère, et enfin, il fonce. Quelques centaines de mètres plus loin, le Spirit of Saint-Louis s'arrache du sol, mais retombe aussitôt. Lindbergh tire de nouveau sur le manche. Les roues de l'avion quittent le sol de nouveau, mais quelques secondes plus tard, elles reviennent s'y poser violemment. L'avion emporte avec lui tellement de carburant, deux fois son propre poids, qu'il est en surcharge. C'est alors que Lindbergh aperçoit devant lui la fin de la piste et les poteaux des fils télégraphiques. Il n'a plus le choix. Il tire donc une troisième fois sur le manche. Et là, les roues quittent le sol. Cette fois, ça y est, le jeune pilote a réussi à décoller. Alors, la foule applaudit. Dans le ciel gris opaque, au-dessus de New York, les curieux suivent à la jumelle ce petit point gris qui traverse les gouttes de pluie et qui part en direction du nord-est. Il fonce vers l'Europe. Dans le cockpit du Spirit of Saint-Louis, une heure après le départ, tous les paramètres de bord sont normaux. Charles Lindbergh contrôle le tableau des cadrans. Chacun fournit des indications précieuses sur l'altitude, la vitesse et l'assiette de l'appareil. À cela s'ajoute un autre instrument révolutionnaire pour l'époque, un compas magnétique terrestre. Jusque-là très expérimental, cet outil de navigation doit permettre à Lindbergh de pouvoir s'orienter et rester sur la bonne trajectoire pour rejoindre Paris. Il est 10h du matin lorsque je laisse enfin derrière moi la côte des États-Unis. Je m'enfonce alors dans cette nappe bleue profonde aux traits infinis qu'est l'océan. À première vue, cet univers ne me semble pas bien hostile. Mais je sais que son hospitalité n'est pas gagnée. Les rapports entre nous vont rester polis. En tout cas, je l'espère. Pour rompre avec la monotonie du vol, Lindbergh pousse le manche des deux mains, l'avion plonge et se rapproche de la surface de l'eau. À tout juste 30 mètres au-dessus de la mer, il aperçoit ici et là quelques petits bateaux de pêche. Dans l'habitacle, les rayons du soleil lui réchauffent le visage. Puis le pilote effectue la manœuvre inverse. Il tire sur le manche pour remonter cette fois, gagner un peu d'altitude et se caler plus confortablement dans son siège, l'œil toujours rivé sur l'aiguille du compas pour ne pas perdre son cap. Malgré l'excitation du moment, Lindbergh ressent déjà quelques crampes dans les jambes et une profonde fatigue qui l'assaille. Voilà 24 heures qu'il n'a pas dormi et il va en théorie devoir tenir un jour et demi de plus avant d'arriver. Pour éviter tout phénomène de somnolence à bord et renforcer sa vigilance, Lindbergh a demandé à ses ingénieurs de laisser son avion légèrement instable, oui, afin de l'obliger, lui, à rester concentré. Vendredi 20 mai 1927, il est 14h15. Le Spirit of Saint Louis survole l'île canadienne de la Nouvelle-Écosse. L'avion et son pilote ont déjà parcouru 960 km depuis New York. Il en reste 4830 jusqu'à Paris. Le contour du moteur est normal, la jauge d'essence, elle, affiche encore 40 heures d'autonomie. C'est à ce moment précis que les choses se gâtent. Le ciel se couvre, des rafales de vent chahutent la carlingue et secouent l'aviateur. La pluie intermittente pénètre dans le cockpit. Lindbergh sort alors son périscope et il aperçoit devant une large bande orageuse qui se déplace vers le nord et une large couche de brume. Au-dessus de ma tête, de longues traînées de nuages sombres s'agitent. De chaque côté, la mer se sépare du ciel avec la netteté d'un fil de rasoir. Je regarde la carte étendue sur mes genoux. En retranchant 15 degrés à mon cap actuel, je devrais conserver la bonne trajectoire. Oui, sauf que je n'ai pas le droit à l'erreur. Mon plan de vol m'interdit tout détour qui ne soit pas imposé par les circonstances. Si je passe Terre-Neuve exactement par la route prévue, il ne me sera pas compliqué de rejoindre l'Europe. Si par contre, je prends le mauvais cap, il se peut que je ne revoie jamais la Terre. 6 heures plus tard, Lindbergh est au beau milieu de l'Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute terre habitée. Alors que la nuit tombe partout autour de lui, le pilote lutte toujours contre la fatigue, une météo très capricieuse et désormais contre un nouvel adversaire, le froid. En effet, ses poignets commencent à s'engourdir. Il s'emmitoufle comme il peut dans sa combinaison. Ses pieds, eux aussi, le font souffrir. Il tente de bouger un peu pour se réchauffer. Dans le même temps, il faut tenir d'une main une lampe électrique, maintenir d'une autre le manche, déplier les cartes et garder un œil sur les instruments. Ajoutez à cela le givre qui s'est formé sur une partie des ailes. Conséquence, le Spirit of Saint Louis est alourdi et consomme donc beaucoup plus de carburant pour maintenir son allure. Lindbergh prend alors conscience qu'il n'en a peut-être plus assez pour rejoindre l'Europe. Avec la fatigue accumulée, l'aviateur commence à perdre la tête. Il envisage même à plusieurs reprises d'abandonner, oui, de faire demi-tour et de rentrer aux États-Unis. Par moments même, il divague, il hallucine parfois, puis il se ressaisit. En cette nuit du vendredi 20 mai, le Spirit of Saint Louis fonce à plus de 170 km/h au-dessus de l'Atlantique Nord, puis disparaît à travers une épaisse couche de nuages. Alors, Charles Lindbergh sera-t-il le premier pilote à relier New York à Paris? Ou son nom va-t-il s'ajouter à la longue liste de tous ceux qui ont perdu la vie en tentant la traversée de l'océan? L'aventure de l'aigle solitaire continue. I'm so happy, I feel so happy because I'm lucky in love. Love is all I care for, beneath the skies above. Someone money and someone glory and something pleasure is best. Just give me my sweetheart, you can have the rest. I don't want to be sitting on top of the world. if I have to be sitting alone. I would rather be humble with somebody there, willing to share gladness or care. I could never be happy if I were a king without her on my throne. I don't want to be sitting on top of the world if I have to be sitting alone. To be sitting on top of the world. If I have to be sitting alone, no, I would rather be humble with a nice little somebody there who would be willing to share gladness or care. Really, I could never be happy, even if I were a king, without anybody sitting beside me on my throne. No. I don't want to be sitting on top of the world if I have to be sitting alone. Un matin de mai 1927, un audacieux pilote de l'aéropostale américaine allait tenter l'aventure où tant d'autres avaient péri, la traversée de l'Atlantique Nord. Lindbergh a 26 ans. Et il dispose d'un monomoteur de 225 chevaux qu'il a baptisé le Spirit of St. Louis. Samedi 21 mai 1927, 9h52, quelque part au-dessus de l'océan Atlantique Nord, ciel dégagé, vent calme. Vingt-six heures se sont écoulées depuis le départ de Charles Lindbergh de New York. Après une journée et une nuit à bord de son avion, le pilote américain sait désormais que le temps joue en sa faveur. Finalement, il lui reste encore un tiers de son réservoir, ce qui est largement suffisant pour atteindre Paris. Mieux, il vient d'apercevoir, en contrebas, des points noirs qui bougent sur l'eau. L'aviateur entame alors une manœuvre, perd de l'altitude et se rapproche de la surface de l'eau. Et là, il découvre que ces points noirs sont en réalité des chalutiers de pêcheurs. Ça veut dire que la côte n'est plus très loin. Certes, mais de quelle côte parle-t-on au juste ? Durant la nuit, en effet, Lindbergh a été pris dans une tempête. Il pense être complètement sorti de sa trajectoire. Alors, est-il plus près du nord de l'Irlande ou du sud du golfe de Gascogne ? Pour le savoir, le pilote met son moteur au ralenti et descend en rasemote. Et une fois sous la barre des 15 mètres, il passe près d'un des bateaux de pêche. Une fois à son niveau, il sort la tête par la fenêtre et hurle, et oui, véridique, « L'Irlande, c'est dans quelle direction ?» Pas de réponse. Personne ne l'a entendu. Après une deuxième et forcément vaine tentative, il reprend l'altitude et poursuit sa route, inquiet. Une heure et demie plus tard, Lindbergh aperçoit une forme étrange au périscope. Avec la fatigue extrême, il croit rêver. Puis, il se ressaisit. Oui, là-bas, à quelques dizaines de kilomètres, encadré par deux rideaux de pluie, ce ne sont pas des nuages, mais bien la terre ferme. Enfin ! Je regarde intensément, n'osant pas en croire mes yeux, refoulant l'espoir pour m'épargner une nouvelle déception, observant les ombres et les contours se préciser. En arrivant plus près, je découvre un littoral très dentelé qui borde des îles dénudées. À l'intérieur, des prés verts montent à l'escalade des hauteurs. Ces couleurs sont trop vives pour l'Écosse. Ces montagnes trop élevées pour l'Angleterre ou les Cornouailles. et il est matériellement trop tôt pour que je sois déjà si près de la France. J'en déduis que c'est donc l'Irlande qui se dresse face à moi. Heures de vol plus tard. Après avoir traversé l'Angleterre, Lindbergh arrive au large de la Normandie. En cette fin de journée, le soleil touche presque la ligne d'horizon quand il passe au-dessus de Cherbourg, dont il reconnaît le toit des maisons. Après avoir parcouru plus de 5400 km dans des conditions dantesques et une fatigue extrême, il se rapproche enfin de son but. De sa grande pochette, Lindbergh sort alors une carte de France. Devant lui, le ciel est dégagé et annonce un vol calme jusqu'à Paris. Grâce aux courbes de la Seine qu'il distingue au loin, là, sur sa gauche, le jeune pilote américain suit le chemin qui le conduit à l'aérodrome du Bourget, un terrain d'aviation situé à quelques kilomètres au nord-est de la capitale, là où il doit se poser. Au même moment, 300 kilomètres plus à l'est, dans le vieux Paris, la cathédrale Notre-Dame sonne 19h. Et en ce samedi soir chaud et printanier, les terrasses du quartier latin et les cinémas des grands boulevards sont étrangement vides. Car comme en témoignera plus tard cet homme au micro de l'ORTF, la population s'est donné rendez-vous pour accueillir Lindbergh au Bourget. Le samedi où Lindbergh a tenté la grande aventure, beaucoup de Parisiens étaient sceptiques. La presse à cette époque l'appelait le fou volant. Et dans l'après-midi, il faisait beau, nous sommes arrivés au Bourget. Et nous sommes montés sur la terrasse du buffet, et là, nous nous sommes installés. Et petit à petit, nous avons vu arriver Paris qui se déversait par la route de Flandre. Puis la nuit vint. Il faisait très froid, de plus en plus froid, et la foule augmentait de plus en plus. Les rampes des balises s'allumaient, s'éteignaient, des projecteurs s'allumaient, s'éteignaient. Et tout d'un coup, un ronron, tout doux, est venu de l'horizon. Ce ronron, c'est le bruit du moteur du Spirit of Saint-Louis, l'avion de Charles Lindbergh. Le pilote approche enfin de Paris. Mais avec l'obscurité, les détails au sol se fondent dans la nuit. Les couleurs, elles aussi, ont disparu. Il ne reste plus ici et là que des ombres et des points lumineux. Par chance, Lindbergh aperçoit l'un de ces phares qui balise la route aérienne entre Paris et Londres. Alors il s'aligne dessus et cherche le suivant. Mais avec l'épuisement, sa vue se trouble. À plusieurs reprises, il se trompe. À mesure qu'il arrive sur la capitale française, les lumières au sol se multiplient. Et soudain, l'aviateur discerne au périscope une colonne de feu dirigée vers le haut et dont la perspective varie lorsqu'il se rapproche. Là, aucun doute possible. Il a en face de lui la tour Eiffel. Paris est en vue. À bord du Spirit of Saint-Louis, Lindbergh cherche désormais du regard le fameux terrain d'aviation, car, comble de l'ironie, sur la carte de France dont il dispose ne figure pas l'emplacement du Bourget. Pire, personne avant son départ n'a pu lui apporter de quelconque précision sur la localisation du lieu d'atterrissage. À croire que personne ne pensait qu'il y parviendrait. Lindbergh scrute donc le sol par la fenêtre. À gauche, à droite, en quête d'un champ noir bordé par des taches lumineuses blanches, vertes et rouges, on appelle ça un aérodrome. Mais nulle part, il ne repère de feu de signalisation, de phare d'approche. Et comme il ne dispose pas de radio, il ne peut demander aucune aide. Après plusieurs minutes à dessiner des cercles au-dessus de la capitale, Lindbergh aperçoit enfin une très longue file d'automobiles sur une route qui mène à un grand hangar et un espace sombre bordé sur la droite par quelques projecteurs. « Cela doit être là. Oui, c'est là, ça peut pas être ailleurs », pense-t-il. Il décide alors de tenter sa chance et de se poser. En ce samedi 21 mai 1927, il est 22h02 lorsque les roues du Spirit of Saint-Louis rebondissent, puis se posent sur le sol européen. Présent sur place, le mécanicien Jean-Claude Daetz raconte la scène. Je courais près d'un avion venant de Londres, Bruxelles ou Amsterdam, un avion postal. Dans mon idée, moi, mécanicien, soi-disant très fort, Lindbergh, ça n'existait pas. Lorsqu'à 50-60 mètres, quand les phares se sont mis enfin à balayer le terrain, un cockpit brillant, propre, net, et qu'est-ce que je vois, Spirit of Saint-Louis. Je passe sous le hauban gauche, je me trouve devant une glace qui coulisse, je la coulisse et je reçois dans le visage une odeur, une chaleur terrible, une odeur d'huile, un profil, un bonnet en fourrure, insolite, des instruments lumineux, et je hurle, you are arrived, you are the first man in the world, je lui prends la main, je lui embrasse, et surtout, je veux le débarrasser de son casque. Et la foule arrive, je lui crie, stop your motor, l'hélice s'arrête net sans aucun retour, et downstairs, downstairs, ce qu'on dit d'un escalier, mais pas d'un tel escalier. Le temps que le mécanicien fasse le tour de la carlingue de l'appareil, un groupe porte déjà en triomphe quelqu'un sur ses épaules. Des milliers de personnes marchent à la rencontre de cette étonnante procession. Quelques militaires et policiers arrivent à la rescousse pour dégager un passage jusqu'au premier étage d'un grand bâtiment. Et là, le pilote est assis sur un fauteuil. On lui offre une gerbe de fleurs et une bouteille de champagne. On le prend en photo. L'ambassadeur des États-Unis le salue, le félicite. Et à ce moment-là, dans un angle hésitant, l'individu lance à ses interlocuteurs « I'm not Lindbergh. Je ne suis pas Lindbergh. » Stupeur dans la salle. Alors que dehors, la foule gronde et réclame de voir son héros au balcon. Le mécanicien Jean-Claude Hetz révélera plus tard les coulisses de cet épisode cocasse. Quand Lindbergh est descendu de son avion un peu affaissé, du sud, du nord du terrain était venu en avion le commandant Vest, Détroya et Delage, arrivé en même temps qu'ils l'ont caché, sentant le danger avec cette foule. Pour le préserver de la foule. Et ils ont désigné un homme dans le tas et qu'on a tous pris pour Lindbergh. Lindbergh, ils l'ont gardé dans le hangar, il a pris un café, il avait un carnet de notes avec des hôtels pour descendre à Paris, et ils l'ont ramené vers Paris. Mais c'était tellement embouteillé qu'ils ont dû prendre des chemins de traverse, des chemins de terre, et demander à un moment donné à un laitier qui descendait au hall, Paris, c'est où? C'est par là? Le lendemain, dimanche 22 mai, dans les jardins de l'ambassade des États-Unis à Paris, la presse a rendez-vous avec son héros. Vers 14h, Charles Lindbergh apparaît sur le perron. Pour ne pas donner de son pays une image débraillée, un diplomate de la délégation a prêté son costume à l'aviateur. Un peu trop petit d'ailleurs, si l'on en juge par les clichés qui circuleront plus tard dans les journaux. Toujours est-il que coiffé, rasé de près, Lindbergh, qui a pu enfin dormir, pose devant les caméras et les photographes. À ses côtés, l'ambassadeur américain agite un grand drapeau bleu, blanc, rouge, symbole de paix et d'amitié entre l'Amérique et la France. L'incroyable exploit réalisé par le jeune Américain intervient au moment où les relations entre Paris et Washington sont très tendues. En cause, le refus par les autorités françaises d'accepter un accord commercial sur l'importation des produits américains. Lindbergh va donc jouer, malgré lui et pendant 4 jours, le symbole d'un rapprochement entre les deux pays. Il sillonne Paris et rencontre le président de la République, Gaston Doumergue. Il déjeune avec le maréchal Foch et échange avec Louis Blériot, le premier à avoir traversé la Manche en avion. Il rend également hommage à la mère du pilote disparu, Charlien Jasser. Au même moment, partout aux États-Unis, on célèbre Lindbergh comme un héros. Son nom s'affiche en une dans toute la presse et son visage fait l'ouverture des films d'actualité cinématographique. Désormais, on ne parle plus de fou volant, mais de Christophe Colomb du ciel. Fin du 4e round. Mesdames, messieurs, nous interrompons le combat pour annoncer la nouvelle que toute l'Amérique attend. Charles Lindbergh est arrivé à Paris. 2 semaines plus tard, après une tournée triomphale en Europe et une escale à Bruxelles et à Londres, Charles Lindbergh rentre aux États-Unis, où il aurait bien fait le trajet en avion, mais on lui a donné l'ordre de prendre le bateau, jugé plus sûr. À son arrivée à New York, il est accueilli en triomphe dans les rues de Manhattan par plus de 500 000 personnes. Sous l'œil des caméras omniprésentes, Lindbergh délaisse le costume diplomatique et endosse celui de super-héros de l'aviation. Dans la foulée, le président américain Calvin Coolidge le reçoit à la Maison-Blanche. À cette occasion, il prononce un discours radio diffusé qui restera dans les mémoires. Dans la soirée du 21 mai, je suis arrivé au Bourget à Paris. Pendant la semaine que j'ai passée en France, La journée en Belgique et le court séjour à Londres et en Angleterre. Partout où je suis allé, à toutes les réunions auxquelles j'ai assisté, on me disait la même chose. Vous avez été témoin de l'affection des Français pour les Américains. Quand vous rentrerez dans votre pays, rapportez avec vous ce message. Merci. Voilà, à tout juste 25 ans, Charles Lindbergh devient, en quelques jours, l'homme le plus célèbre de la planète. Son image et son nom reviennent en boucle dans la presse, en Europe, aux États-Unis et jusqu'en Asie. Pourtant, loin de l'image qu'on s'est longtemps fait de lui, on sait aujourd'hui que Lindbergh détestait les bonnes foules, n'appréciait guère d'être glorifié et supportait encore moins les questions des journalistes, une sorte de Neil Armstrong avant l'heure. Ce que voulait Lindbergh, c'était réaliser un rêve d'aviateur, puis rentrer chez lui, tout simplement. Enfin, si j'ose dire. D'ailleurs, après une tournée de plusieurs semaines aux États-Unis, il prend ses distances de la scène médiatique. Commence alors une étonnante relation, source d'incompréhension réciproque et enfin de critiques acerbes entre cet homme, pionnier de l'aviation, et les journalistes. Cinq ans plus tard, en mars 1932, le nom de Lindbergh fera de nouveau la une de toutes les actualités, mais pour des raisons qui n'ont aucun lien avec l'aéronautique. Lorsqu'on apprend en effet que son jeune fils a été enlevé puis tué malgré le paiement d'une forte rançon. L'épisode marquera à jamais l'image et la destinée d'un héros devenu victime. Lindbergh était un aigle solitaire, il le devient réellement et à tout jamais. Vous écoutez France Inter, et en particulier, et en l'occurrence, Affaires Sensibles consacrée aujourd'hui à l'exploit de Charles Lindbergh. Et notre invité, c'est l'historien spécialiste de l'aéronautique Michel Bénichoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre sur Charles Lindbergh, intitulé Charles Lindbergh, l'oiseau volage, paru en 2005 aux éditions La Rivière. Vous êtes un passionné d'aviation et également pilote. Alors, pour écrire ce récit, nous nous sommes appuyés sur l'ouvrage autobiographique de Charles Lindbergh, New York-Paris. Dans ce livre, le pilote raconte à la première personne son aventure, il donne donc sa version. Je dis ça parce que je crois savoir que vous avez quelques doutes sur la façon, disons, un peu trop héroïque ou littéraire dont tout cela est raconté. Quelle est la part de vérité dans ce récit ? Alors la vérité vraie, c'est quelque chose après lesquels après quoi tous les bons journalistes courent sans jamais la trouver. Là, on a un navigateur solitaire. Si on veut savoir ce qui s'est passé pendant cette navigation, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de lui poser la question, et il répond ce qu'il veut. Ce qui est un petit peu gênant, c'est le livre, il faut d'abord le dire, il est magnifique, il est absolument passionnant. Et on peut encore le lire aujourd'hui, ça passera très très bien. Si on aime l'aviation, alors là, c'est formidable. Si on est pilote, c'est encore mieux. C'est du bonheur total. Mais quelque chose, moi, qui me gêne, c'est raconté au présent. Ça a été publié en 1953, oui. C'est-à-dire 25 ans après les faits. Or, en 1927, on a demandé à Lindbergh d'écrire quelque chose, de raconter son histoire. Il s'y est finalement mis, mais contraint et forcé, très mauvais gré. Il a écrit quelque chose qui est à peu près aussi passionnant que le bout de discours qu'on vient d'entendre. Voilà. C'est d'ailleurs très très court. Et il a appelé ça « oui ». En anglais, ça veut dire « nous ». Ça a été traduit en français par « mon avion et moi ». Et en 1939, Lindbergh, quelques déboires en Europe... Et comme d'habitude, quand les choses vont pas pour lui, il se regarde le nombril et il veut raconter sa vie. Il pense à sa vie. Et là, il se dit, ça serait quand même bien que je raconte, maintenant que je suis pas pressé par le temps, que je n'ai pas de tresse, que personne ne m'oblige, que je raconte ma traversée. Et il commence à l'écrire. Et il va trimballer avec lui jusqu'en 1950 ou 51, le manuscrit de cette histoire. Le livre fait 565 pages, hein, si je me trompe pas. Je vous parle de la version originale que j'ai à la maison, bien en anglais. Et là-dedans, ouais. il dit à peu près ce qu'il veut. Et il y a même l'atterrissage qui est presque un morceau d'anthologie. On a vraiment l'impression que celui qui écrit ça n'a pas envie que ça s'arrête. Il va savourer jusqu'à la dernière seconde, le tout petit mouvement de l'avion, etc. Tout y est. C'est pas un reportage, c'est quasiment un commentaire de match de foot. C'est ça. C'est comment je suis un héros ? Non, pas du tout. Alors, je comprends pas. Certainement pas. C'est quoi les décalages avec la vérité ? C'est quoi ? Mais c'est-à-dire qu'il raconte ça comme il a envie de le raconter, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce livre de 1953, ça n'est pas le récit de la traversée de 1927, enfin c'est ma version, mais j'en suis persuadé, hein. C'est pas le récit de 1927, c'est le récit de l'histoire telle qu'il se la raconte, qu'il la ressasse depuis tout le temps, puisque c'est le grand moment de sa vie. Finalement, c'est sa date de naissance, hein, le 21 mai 1927. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas forcément faux, parce que je pense pas que Lindbergh soit quelqu'un qui mente. C'est quelqu'un qui cache. Mais c'est pas un menteur. D'accord. Alors, par exemple, dans ce que vous avez entendu tout au long du récit, est-ce qu'il y a quelques archives comme ça qui pourraient s'inscrire en décalage par rapport à la vérité pure ? Il y a la version du mécanicien qui raconte ce qu'il a vu au Bourget. Je suis à peu près convaincu que c'est en grande partie des souvenirs un peu déformés, parce qu'avec le temps, c'est vrai que les souvenirs qu'on a peuvent se déformer, de toute bonne foi. Ce que dit Lindbergh, ce que raconte Lindbergh de son arrivée, c'est pas vraiment ça. C'est pas. Il raconte ça très très très très en détail. Il est un peu maniaque, Lindbergh. Voilà. C'est pas un personnage sympathique. C'est quelqu'un de très solitaire. C'est pour ça que je parlais très égocentrique. De Nina Armstrong, oui. qui a ce même caractère, qui est un pionnier aussi, parce que celui qui a posé le premier pied sur la Lune, et un type complètement renfermé comme ça, qui a un rapport très dur avec c'est la presse. C'est tout à fait ça. Vous voudriez qu'on parle un peu de la machine quand même, parce que sans cette machine, il n'aurait pas traversé l'Atlantique, survolé l'Atlantique, le Spirit of Saint-Louis. C'était une machine exceptionnelle ou pas ? Est-ce que c'était révolutionnaire ? J'aime bien la question que vous posez, parce qu'en général, on parle du pilote, on parle du héros, etc. Et on oublie complètement que derrière le pilote, il y a un avion, et que derrière l'avion, il y a des ingénieurs et des mécaniciens. Et que dans l'avion, il y a un pilote. Moi, je préfère parler de ces gens-là, quelquefois, voilà. Bon. Alors, le secret de cette traversée, il y en a plusieurs. Il y a d'abord une préparation qui est brillante, qui est tout à fait remarquable. Très pro. Oui, Lindbergh, à cette époque-là, il, bien que tout jeune, il était pilote de ligne. En fait, il transportait du courrier tout seul dans des avions sur un parcours de 450 km entre Saint-Louis dans le Missouri et Chicago. C'est la fameuse postale comme... C'était la postale, exactement France, pareil. Voyez, voilà. Donc il volait de jour comme il volait de nuit. Alors, on part en clair, je vous parle un peu d'expérience de pilote très amateur qui d'ailleurs ne vole plus maintenant. C'est pareil. On vole à vue, bah on regarde, on se repère par rapport à l'horizon. Le danger la nuit, c'est que si on rentre dans un nuage, on ne verra pas arriver. Voilà. Mais on a des instruments comme un horizon artificiel qui, quand même, bon, nous donne la position de l'avion et vraiment pas à s'inquiéter. Mais Lindbergh, il n'avait pas ça. Lindbergh, il avait 14 instruments sur son tableau de bord. Et en gros, il fallait qu'il regarde les 14 instruments pour se faire une idée de la position de son avion dans l'espace. C'était déjà quelque chose de plus compliqué. Et dans ce domaine, je pense que c'était un artiste, c'était un grand maître. Voilà. Ouais. Donc, il avait bien réfléchi que s'il fallait traverser l'Atlantique, le problème, c'était de pouvoir voler le plus longtemps possible. Pour voler le plus longtemps possible, il faut emmener beaucoup d'essence, mais l'essence est 720 grammes par litre à peu près. Mmh. Et il avait dit, ah, si l'essence n'était pas aussi lourde, je pourrais en mettre partout, je pourrais voler beaucoup plus. C'était une réflexion qui s'était faite. Donc, la logique, et c'est une logique que très peu de gens ont eue, mais c'est la bonne logique, c'est de se dire, il faut que j'ai un moteur le plus petit possible, parce qu'il va consommer le moins possible. Oui, mais si j'ai un moteur le plus petit possible, le moins puissant, il faut que j'ai un avion le plus petit possible, qui est le moins de traînée. Parce que la traînée aérodynamique, c'est ce que combat la puissance. Ouais. Plus vous avez de traînée, plus il vous faut des gros moteurs. Je vous fais confiance. Oui, c'est la mécanique du vol simple. Voilà. Donc, il s'est dit qu'il me faut un petit avion, et il a raisonné comme ça. Alors, il a trouvé l'avion de ses désirs, il existait. Un seul exemplaire, c'était le Belanca WB2, Mrs. Columbia. Il a voulu l'acheter à un certain Levine. Le problème, c'est que Levine y préparait la traversée de l'Atlantique de son côté. Ah, donc, il y avait une grosse concurrence à l'époque. Il y avait une certaine concurrence, bon. Oui. Alors, pour résumer, pardon, parce que comme le temps passe vite, pour résumer, on peut dire qu'on a un très grand pilote, un très artiste, grand. Sur un avion qui n'est pas non plus exceptionnel. Et que finalement, ce sont les talents du pilote. C'est un avion, c'est-à-dire qu'il a fait modifier un avion de transport de courrier par la société Ryan qui a accepté le deal. Et il était là en permanence hein, quand ça s'est modifié. Il a été modifié exactement comme lui souhaitait qu'il soit, y compris l'instabilité. Bien, alors on va écouter maintenant un autre passionné d'aviation, quelqu'un qui pilotait son propre avion. C'est le chanteur Jacques Brel, donc passionné d'aviation et titulaire d'un brevet. Et il revient justement sur le cas Lindbergh. Pour lui, Lindbergh est vraiment un cas spécial dans l'aventure et l'histoire de l'aéronautique. Pensez-vous que les critères qui aujourd'hui font choisir des cosmonautes auraient permis de faire des cosmonautes de Ningesser, de Lindbergh? De toute façon, pas. Voilà. Pour passer l'Atlantique à cette époque-là, il fallait être malade d'au moins d'une chose, c'est des rêves. Et qu'on ne tolérera plus jamais, malheureusement, je pense, à un homme malade de rêve d'aller dans la Lune. On va prendre un homme en parfaite santé, parfaitement équilibré, et on ne prendra plus un rêveur. Et je crois que je suis très heureux de le voir. Je suis là avec des rêveurs. Des rêveurs qui ont voulu aller au bout de leurs rêves et pas avec des athlètes. Je crois qu'un homme, s'il est honnête, pilote avec sa tête et pas avec son corps. Alors, dans le cas de Lindbergh, c'est un poète qu'on vient d'entendre parler. C'est un poète qu'on vient d'entendre parler. Évidemment. Je précise que cette déclaration de Jacques Brel remonte à juillet 1969. Et juillet 1969, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Parenthèse. Mais voilà, alors, je ne sais pas si à cette époque-là, Jacques Brel était déjà pilote professionnel, parce qu'il a un brevet de pilote professionnel. Il avait un brevet de pilote professionnel. Non, Lindbergh, c'est pas forcément un rêveur, pas du tout. C'est quelqu'un de très très pragmatique, qui n'a pas d'affect. Alors, il avait de la graisse autour du cœur, comme disait Jacques Brel. Un blindage autour du cœur. Il disait ça des gens qui n'avaient pas de sentiments. De l'acier, voilà. Oui, l'acier. Mais le secret de la traversée, il est là, en fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce que c'est que la peur. S'il avait su ce que c'était que la peur, il serait parti à deux. Il ne faut pas oublier que derrière Lindbergh, c'est le 21 mai. Le 4 juin, c'est Levin et Chamberlain. Le 21 juin, c'est l'amiral Byrd avec 3 ou 4 hommes d'équipage qui va se poser à Vers-sur-Mer parce qu'ils n'ont pas trouvé le Bourget. Ils se sont perdus dans le brouillard. Ils ont Vers-sur-Mer dans le Calvados. Oui, ils ont tourné pendant 6 heures autour de du nord de la France. Et puis, il y a eu, en août, Brock et Schley qui, eux, ont fait un raid pour aller jusqu'à Tokyo. C'est là, et même le président de la République leur a interdit de continuer, c'était trop risqué. Voilà. Donc vous voyez que la chose était possible. La chose était possible pourquoi ? Parce qu'il y avait le moteur, le fameux moteur Wright Whirlwind J5 version C, c'est important. J'imagine. Qui était graissé pour 40 heures. Les autres moteurs étaient graissés pour 10-12 heures. Vous comprenez qu'avec les autres moteurs, on ne pouvait pas traverser. Ou alors avec des moteurs beaucoup plus puissants, donc beaucoup plus d'essence, trop lourd, etc., etc. C'est le fameux cercle vicieux qu'il fallait rompre. Mais comment expliquer maintenant cette fascination de tant de pilotes à être le premier à traverser l'Atlantique? Il y avait un symbole simplement parce que c'était la plus longue distance qu'on avait jamais parcouru. La plus longue distance, c'est la traversée du Pacifique. Ça fait 10 000 kilomètres. Voilà. En principe, et c'est ce que l'on dit aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'avions sont transatlantiques? Parce qu'un avion qui est capable de traverser l'Atlantique peut aller dans n'importe quel autre point du monde. Il y a toujours un point de départ et un point d'arrivée à une distance inférieure à celle de la traversée de l'Atlantique Nord. Voilà pourquoi. Et puis, il y a l'histoire entre l'Europe et l'Amérique qui est faite pour beaucoup. Et c'est relativement proche quand même. Un Chinois, est-ce qu'il penserait à aller aux États-Unis, il penserait beaucoup plus à aller vers l'Afrique. Donc il y avait une dimension à la fois politique et commerciale aussi. Ah, puis il y a autre chose. Quoi ? Il y a autre chose. Il y a une dimension spirituelle très forte. Spirit of Saint-Louis, d'ailleurs. Oui, Spirit of Saint-Louis, c'est pas Lindbergh qui a donné le nom à l'avion. Ce sont ses amis francs-maçons, ses frères francs-maçons. D'accord. Il y a quelque chose de très particulier. Il est apprenti franc-maçon en juillet 1926 et il est maître en décembre. La pistolet. Normalement, ces trois degrés là, on les passe en plusieurs années. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il va traverser l'Atlantique et l'Atlantique depuis l'Amérique, c'est un vol vers l'Orient, vers la lumière qui monte. Et lorsque Lindbergh parle dans son livre de l'océan, des étoiles, il a le feu devant lui, c'est le moteur, c'est les trois symboles de la franc-maçonnerie. Voilà. Donc, quand il a intitulé son petit bouquin, c'était pas mon avion et moi, c'était mes frères et moi. Or, il ne le dit pas, bien sûr, il l'a jamais dit, il avait avec lui un porte-bonheur. C'était pas une médaille de Saint-Christophe, comme il le raconte. C'était le fanion de la loge Keystone à laquelle il appartenait à Saint-Louis. Et c'est cette loge qu'il a en partie financée, parce qu'il s'est financé il y a amené 10 000 dollars sur les 16 000 qui étaient nécessaires. Donc, il y a cet aspect spirituel très, très fort dans la traversée de l'Atlantique, par le Spirit of Saint-Louis, pas forcément par les autres, parce qu'il y avait la compétition pour les autres, donc la gloire et l'argent. Alors, il y a une autre dimension, une dimension personnelle et dramatique dans l'histoire de Lindbergh, c'est celle de l'enlèvement et la mort de son enfant. Alors, on imagine que ça a détruit tout homme, tout père. Est-ce qu'il a été détruit ? Quelle a été sa vie après ce drame ? Je vous ai dit, c'est un homme qui n'a pas d'affect. Donc, il a... Par rapport à son fils, quand même. C'est drame, mais c'est... Vous n'imaginez pas ce qui a pu se produire. Anne Moreau, sa femme... était en larmes pendant le procès. Le procès a eu lieu, l'enlèvement c'est en 1932, le procès c'est en 1935, le procès de la personne qu'on a soupçonné d'avoir exécuté le rapt, alors qu'on n'en a jamais été sûr. On pense que l'enfant est mort par accident, une chute du ravisseur, voilà, et qu'il l'a enterré, d'ailleurs tout près de la maison des Lindbergh. Non, Lindbergh, il ne manifeste pas de sentiment, parce que pour lui, manifester un sentiment, c'est un sentiment de faiblesse. Et dans le couple... qui ne s'est jamais trop parfaitement entendu à cause du caractère de Lindbergh. Anne Moreau pleure beaucoup. Lindbergh lui dit qu'il ne faut pas manifester sa tristesse, mais c'est lui qui va craquer dans la maison, chez eux, mais pas en public, et qui va insulter sa femme en lui disant « tu es carrément une erreur de la nature ». Voilà le personnage Lindbergh. Pourquoi avez-vous intitulé également votre livre « L'oiseau volage » ? Parce que quand je suis rentré dans le bureau de mon éditrice, elle avait lu le manuscrit, elle m'a dit « oui, c'est bien, on va le prendre et tout, mais c'est quoi le titre ?» Et là, j'ai dit « ah ben tiens, l'oiseau volage ». Alors pourquoi oiseau volage ? Parce qu'il y a un petit jeu de mots entre oiseau et volage. Mais volage parce que Marie volage, volage parce que amant volage, et volage parce que volage avec la morale. Oui, voilà. On ne peut pas raconter toute l'histoire de Lindbergh. Si vous y tenez vraiment, il y a sa biographie par Alan Scott Berg et il y a Das Doppel Leben des Charles Lindbergh de Rudolf Schröter en Allemagne. Et il y a aussi, Michel Binichou, Charles Lindbergh, L'oiseau volage. Oui, où je résume un petit peu de ces deux bouquins. Voilà, et c'est paru en 2005 aux éditions La Rivière. Merci infiniment en tout cas. C'était un plaisir. Mais pour moi aussi, partagez. Oui, c'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lindbergh, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Vous pouvez aller aussi sur le site Affaires Sensibles du site France Inter pour y mettre vos commentaires si le cœur vous en dit.